Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un duo de choc. Tom Ludlow est le meilleur détective de l'Advice, l'unité spécialisée de la police de Los Angeles. Son supérieur, le capitaine Wander, ferme les yeux sur ses procédés souvent hors normes et le protège lors de l'enquête interne menée par le capitaine Biggs. Accusé à tort du meurtre d'un collègue, Ludlow doit lutter seul contre le système corrompu pour prouver son innocence. Et qu'est-ce que je fais ? Tu fais comme d'habitude. Tu me le ramènes pas. Dites-nous ce qui s'est passé, inspecteur. Un suspect a ouvert le feu sur moi quand je suis entré dans le salon, avec un automatique gris métal. J'ai répliqué. Il s'est effondré. C'est magnifique, Tommy. Pour un flic... Police ! ...qui viole la loi. Pourquoi t'interviens toujours tout seul ? Comme ça, il n'y a que ma version. Le plus dangereux, c'est pas d'être corrompu. Voilà le plus dangereux des petits blancs. Qu'est-ce qui s'est passé, Washington ? T'étais pourtant un des nôtres. C'est d'arrêter de l'être. Washington a vu à plusieurs reprises l'inspecteur des services de police. Ton petit copain moucharde. Et qui est-ce qui balance toi ? T'approches pas de lui. Si tu tombes, c'est toute l'équipe qui tombe. Donne-moi le feu vert pour buter les tueurs. Laisse tomber. C'était pas un cambriolage, c'était une exécution. Comment tu crois qu'on arrive à faire tomber les intouchables ? Pourquoi ? Cette ville est à nous ! Forest Whitaker, Kenny Reeves, au bout de la nuit. Un DVD Fox Pathé au repas.